إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإخوة الإسلام، هذا مجلسنا السادس في دراسة كلام الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى حول رسالة الشيخ عبد المحسن العباد، بأي دين بأي عقل ودين يسمى التفجير والتدمير جهادا، أفيقوا يا شباب. دونك سا سي نوتر سيزيام اسيز اوتور دو لا دو ليتود دو سو فاسيكول دو الشيخ عبد المحسن العباد. دونك افيك كيل ريزون اي دونك كيل ريليجيون لي اتونتا اي لي ديستركسيون font partie du jihad. Réveillez-vous jeunes. يقول الشيخ السحيمي حفظه الله: ثم استمر هؤلاء الخوارج يظهرون عبر التاريخ إلى يومنا هذا، وكلما ظهروا قضى عليهم أئمة الإسلام عبر التاريخ. وفي هذا العصر وقبل 50 عاما بدأت بذرتهم بالتهييج والخطب والحماس، زعما منهم الغيرة على الدين والقرآن لا يجاوز حناجرهم، وألفت الكتب التي تهيج وتكفر الناس. الشيخ السحيمي حفظه الله de nous dire en commentaire autour de ce dernier passage de la risala de Cheikh Abdel Mohsin Labbad, et ces khawarij ont continué à apparaître à travers les siècles de l'histoire de l'islam, et à chaque époque qu'ils apparaissent, les imams de l'islam les anéantissent. Et à notre époque, il y a plus de 50 ans maintenant, ils ont commencé à réapparaître depuis 50 ans maintenant. Et ils ont commencé avec le fait d'exciter les gens dans le khutab, et avec le fait d'exciter et leur exciter les gens prétendant avoir de l'enthousiasme pour l'islam. Et ils excitaient les gens comment ? En détournant les gens des hommes de science et en dénigrant les gouverneurs du pays de l'islam. Et cela, le Coran ne dépasse pas leur gorge. Et il y a des livres qui ont été écrits dans ce sens et qui rendent mécréants les musulmans avec les péchés capitaux. وكنت ويقول الشيخ فانظروا وكنت في الصغر ممن ابتلي بالتأثر بهذه الكتب والله مرت بي فترة أكفر فيها جميع البشر لأنني حفظت كتاب معالم في الطريق عن ظهر قلب، فلما حفظته كفرت البشر كل البشر، لولا أن من الله علي بمشايخي حفظهم الله ورحم الله من مات منهم حذروني من هذه الكتب ومن التأثر بها، فأدركت الخطر وقد استمر هذا معي أكثر من سنة. الشيخ يقولي les hommes de la vérité, comment ils acceptent la vérité même sur eux-mêmes et comment ils rappellent la vérité. Ils n'ont pas honte de dire où ils étaient. Et s'ils ont tombé dans l'erreur, ils n'ont pas honte de le dire. Et il dit, quand j'étais jeune, j'étais éprouvé. Et j'étais influencé par ce genre de livre. Et par Allah, il a dit, il y a une période de ma vie, pendant 1 an, 2 ans, je rendais les gens mécréants, tous les gens, tous les images, je les ai rendus mécréants. Parce que j'ai appris par cœur, j'allonge sur la route. Ma'alim, fit tariq al-Sayyid Qutb. Il l'a appris par cœur. Et quand je l'ai appris par cœur, tous les gens sont mécréants pour moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a couvert de sa clémence et mes shuyukh, les savants, mes shuyukh, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants et qu'il laisse ses saintes miséricordes les morts. Ils m'ont averti contre ces livres. Ils m'ont averti contre ces livres. Et je me suis rendu compte du danger. Et il a dit ceci, est quand même resté avec moi 1 année. Il était influencé par ce genre de livre. Et les mashaïrs l'ont averti. C'est pour ça que nos mashaïrs, quand ils avertissent contre le livre, ils avertissent pas contre la personne. La personne, il est morte. Il est son sort est à Allah, Azza wa Jal. Mais ils avertissent contre le mal qu'il y a dans l'héritage qu'ils ont laissé. Faut faire bien la différence. Ils avertissent contre le mal. Et la gangrène, la mauvaise gangrène qu'ils ont laissé comme héritage dans leur livre. Et j'allonge sur la route, ma'alim fit tariq, yandah. Il jaillit avec l'idée d'el tkfir de la communauté. C'est un livre de chevet pour former un tkfir. ومنذ ذلك الوقت ونحن نحذر من هذه الكتب ومن قراءتها وكان الناس يهونون من شأنها ويقول ليس فيها خطر كيف ليس فيها خطر وهي تكفر المسلمين وتقول لم يبقى أحد في الإسلام et depuis cette époque là il dit Cheikh depuis que il est revenu sur la voie et il a écouté le conseil des savants il a commencé à avertir contre ces livres que ce soit le Ma'alim ou autre, il a commencé à avertir. Et avertir les gens de ne pas lire ces livres. Et il disait, les gens négligeaient le fait d'avertir contre ces livres. Ils disent, et certains gens disent, il n'y a pas de danger dans ces livres. Il n'y a pas de danger dans ces livres. Et Cheikh, il dit, comment il n'y a pas de danger dans ces livres? Ces livres rendent la communauté de l'islam mécréante tout entière. Et tu dis qu'il n'y a pas de danger. Bal inna wahidan min ashabi hadhihi al-kutub. اسمع يا أخ الإسلام حتى تعلم من سلف هؤلاء واحدا من أصحاب هذه الكتب قال إن عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما وهذا ما قال رضي الله عنهما ولكن الشيخ يقول رضي الله عنهما ونحن نقول رضي الله عنهما ولكن يقول الشيخ أنا أترضى عنهما قال عهد علي ومعاوية ماذا قال هذا الشقي قال عهد علي وعهد معاوية عهد ردة عن الإسلام العياذ بالله عهد علي وعهد معاوية عهد ردة عن الإسلام القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مفضلة يشهد هذا بأنها عهد ردة سبحان الله سبحان الله في عهد علي كان الصحابة وكبار التابعين وفي عهد معاوية كان أئمة الإسلام الكبار في عهد بني أمية. Il y a un parmi ces écrivains qui a dit que l'époque entre eux, l'époque de Ali et l'époque de Muawiya, رضي الله عنهما, lui il a pas dit رضي الله عنهما. Le Cheikh il dit moi je dis رضي الله عنهما. Et nous devons dire رضي الله عنهما. Et رضي الله عنهما qu'il s'écrase l'aîné d'eux de cette kfiriyin et de ces rawafis dans la terre. رضي الله عنهما. Il dit que l'époque de Ali et de Muawiya, regardez ce qu'il dit, ce monstre. Il dit, c'est une époque de l'apostasie de l'islam. Il décrète que les gens, à l'époque de Ali et de Muawiya, sont sortis de l'islam. Subhanallah. L'une des époques qui a reçu l'éloge d'Allah et l'éloge du prophète alayhi salam, celui-là, il décrète que c'est une époque d'apostasie. Subhanallah. L'époque où il y a eu les grands imams de la communauté, des sahabis vivants encore, des compagnons du prophète vivants encore, et les grands tabi'is, les grands imams de la communauté, et Banu Umayya. Il y avait des grands imams de la communauté à l'époque de Banu Umayya, et de Banu Al-Abbas aussi. Il y avait des grands imams comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, et d'autres, Shafi'i, et d'autres, et Abu Hanifa, etc. Ils étaient à cette époque. Et à deux, ils disent que l'époque de Ali, et de Muawiya, c'est une époque d'apostasie. Est-ce qu'ils ont des raisons, Ado? Est-ce qu'ils raisonnent? Est-ce qu'ils lisent la parole du prophète? Est-ce qu'ils ont à leur esprit la parole du prophète salam, qui dit, la meilleure des générations, c'est ma génération, et celle qui la suit, celle qui lui succède? Hein? Où ils sont ceux-là? A'oudou billahi min al-khudlan. Wa qala, هذا الكاتب, anna كل من ينتمي إلى بني أمية, ما حكمه عنده كافر. هذا يقوله كاتب معاصر وكتاب آخرون معه مثل صاحب خلافة وملوكية وغيره وصاحب كتاب الظلال والعدالة الإسلامية وكتب وشخصيات وغيرها من الكتب التي ملئت بالضلال un autre a dit que ceux qui appartenaient à Banu Umayya tous ceux qui appartiennent à Banu Umayya C'est quoi son jugement? C'est un mécréant. Muawiya, il fait partie de Banu Umayya. Uthman, radiyallahu anhu, il fait partie de Banu Umayya. Alors tu rends Uthman et Muawiya mécréants. Subhanallah. Des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, tu les rends mécréants. Il y a un autre écrivain contemporain, dans son livre, Khilafa wa Mulukiya, et d'autres livres de cette époque, dont nous parle Cheikh, et c'est du monde contemporain, Kitab Vival, de Sayyid Qutb, La justice islamique ou l'Al-Adala al-Islamia, Kutub wa Shakhsiyat, des livres des personnalités, et d'autres, sont pleines de l'égarement, sont pleines du jugement sur cette communauté, comme quoi la communauté, elle est non musulmane, il a apostasie. هذا سيد قطب دون سيرتان دو سي ليفر يدي كابو سفيان رضي الله عن ابو عن ابي سفيان وعن معاويه ابنه رضي الله عنهم جميعا il dit ابو سفيان n'est rentré dans l'islam que par sa langue. Comment t'as été voir son cœur? T'as ouvert son cœur? Regardez la distance qu'il y a entre lui. 14 siècles les séparent. Il dit que ابو سفيان n'est rentré dans l'islam que par sa langue, que par la parole. اعاذن بالله. Hein? Et regardez la position de Mohammed alayhi salam avec Abu Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Quand il a tué ce mécréant qui a assassiné beaucoup, qui a tué beaucoup de musulmans pendant la bataille. Et au moment où Usama allait fracasser sa tête, il a dit, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah azza wa jal. Et malgré ça, Usama lui a fracassé, l'a tué. Quand ils sont arrivés devant le prophète alayhi salam, et quand on a rapporté la scène au prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Rasulallah, il a dit la ilaha illallah par peur. Il lui a dit, t'as été voir dans son cœur. Tu as ouvert son cœur. Il lui a dit trois fois. Il a eu peur, Osama. Il a dit, j'aurais préféré n'être rentré dans l'islam que ce jour-là. Je n'aurais préféré rentrer dans l'islam que ce jour-là. Et Hada, il dit, Muawiyah, Abu Sufyan, radiallahu anhu, le père de Muawiyah, hein, et le père de l'une des femmes du prophète, alayhi salam, Habiba, ridwanullahi alayhim jami'an, n'est rentré dans l'islam que par la parole. A'idhan billah. وهذه الكتب كلها قوس هذه الكتب كلها نقذها ونسف باطلها حامل لواء العرش والتعديل بشهادة أسد السنة وإمامها في هذا الزمان رغم أن في الحاقدين المميعين السليف ظلال كتب وشخصيات إكستغال معالم. Celui qui porte l'étendard de l'éloge et de la réfutation, la science de Al-Jarh wa Tadil, l'allama Cheikh Rabih, habidahullah, il a anéanti, il a refuté le nul qu'il y a dedans. Et il a montré, il a dévoilé toutes les fausses idées qui sont portées, l'égarement qui est porté dans ses livres. Hein? Et lui, qui l'a désigné en tant que porteur de l'étendard d'Al-Jarh wa Tadil, hein? Le lion de la sunna à notre époque. L'authentificateur par excellence de la sunna du prophète alayhi salatu salam à notre époque. Le jurisconsulte par excellence de notre époque. Cheikh Nasser rahmatullah alayhi. C'est lui qui lui a donné ce titre. C'est lui qui lui a donné ce titre. Et maintes fois, une fois on a demandé à Cheikh Al-Uthaymeen des choses sur Sayyid Qutb, ou sur les livres de Sayyid Qutb. Il a dit, demandez à Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi était à Uniza, il avait fait une intervention, et la question est arrivée devant Cheikh Al-Uthaymeen sur Sayyid Qutb, les livres d'El Sayyid Qutb. Il a dit, demandez à l'expert. Directement. Et qui c'est Cheikh Al-Uthaymeen? L'une des montagnes de science, et le jurisconsulte par excellence, l'authentificateur et le jurisconsulte par excellence de notre époque. Subhanallah. Et combien de fois Cheikh Ibn Baz, hafidhahullah, rahimahullah ta'ala, ou askanahu fasih zinnati, il renvoie des livres, il dit à Cheikh Al-Allama, regarde les erreurs qu'il y a dans ça, et réplique à l'heure, et montre les erreurs qu'il y a. Qui c'est Ibn Baz? La troisième montagne de science de notre monde contemporain. Subhanallah. Et يقول الشيخ حفظه الله تعالى أعدد لكم بعض الضلال الذي في هذه الكتب. Cheikh il dit, je vais vous citer certains égarements qu'il y a dans ces livres. يقول الشيخ النيل من الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاصة موسى عليه الصلاة والسلام فقد نال منه هذا الكاتب المسكين. ويقول الشيخ تنبه لقول الشيخ يا أخ الإسلام حتى لا تقول في الشيخ ولا تقول عن الشيخ ما لا يقول به. ويقول شيخ وانا حتى يفقه الناس انا لا اتكلم في مآله ولا في خاتمته ولا في مصيره عند ربه وهذا نكله الى الله لعل جهله يشفع له ولا ندري عنه. دي شيخ ندي شيخ سحيم حفظه الله تعالى دي je vais vous citer les égarements qu'il y a dans certains égarements qu'il y a dans ces livres. Il dit d'abord, il critique, il dénigre les prophètes alayhi salatu wassalam. Et surtout, Moussa alayhi salatu wassalam. Cet écrivain, ce pauvre écrivain a dénigré celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Moussa alayhi salatu wassalam. Kalimullah. Il le dénigre. Il dit de lui, c'est l'exemple du leader coléreux. Subhanallah. Kalimullah. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a élu, tu le traites ainsi? Et Cheikh, il attire notre attention. Il dit, pour que les gens comprennent ce que je veux dire, moi je ne parle pas du jugement de cette personne, ni ce qu'il va lui arriver dans le delà, etc. Ceci, je le laisse à Allah Azza wa Jal. Peut-être que son ignorance va lui intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, je ne m'y mets pas, il dit Cheikh. C'est-à-dire que Cheikh, ils ne l'auront pas mécréant. Son destin, et comment il va être jugé, ce qui lui est réservé, c'est Allah Azza wa Jal. Cheikh, il ne rentre pas là-dedans. Wana ubalighukum kalam an a'immati din. كلاما عن الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قال الشيخ عبيد لنا مرة في درس عبر كتاب التوحيد عبر عبر عبر انترنت قال قولوا عني حدثوا عني قولوا قال لنا الشيخ عبيد حدثني الشيخ عبد الله المسلم قال أن الشيخ العتيمين قال لولا الورع لكفرنا سيد قطب لولا الورع لكفرنا سيد قطب فأين كلام هذا الإمام الذي قال لولا الورع لكفرنا ما كفره لولا الورع أين كلام هذا الإمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان من مكفري المجتمعات ومكفري صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Comment les hommes de science et les imams de la communauté qu'ils expressent, ils emploient, et regardez les leaders, les écrivains, hein, les littéraires, hein, ceux qui ne sont pas enracinés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent? Ils rendent mécréants les sociétés musulmanes, ils rendent mécréants même la plus noble des sociétés humaines qu'a connue la terre, qui sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, après les messagers, alayhi salatu wassalam. Cheikh Obaid, il dit, lors d'un cours, quand il expliquait Kitab Tawhid, hein, dans une des daura, il a dit, transmettez de moi. Transmettez de qui? Cheikh Obaid. Transmettez de moi. Cheikh Abdullah Mselem m'a dit, que Cheikh Al-Uthaymin a dit, si ce n'est le wara, nous aurions rendu Sayyid Qutb mécréant. Si ce n'est le wara. Dire, la parole, il faut la comprendre ainsi. Cheikh Al-Uthaymin n'a pas rendu Sayyid Qutb mécréant. Hein? Mais regardez cette parole, comparez-la à ces écrivains, à ces littéraires et à ces leaders de groupe qui ont rendu toutes les sociétés musulmanes mécréantes. Et ceux qui ont rendu les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam mécréants. Hein? Regardez la différence entre les paroles d'hommes de science enracinés dans la science, ceux qui portent l'héritage du prophète, des messagers alayhi salatu wassalam, et ceux qui n'ont pas un gramme de l'héritage du messager alayhi salatu wassalam. Le fossé est énorme. يقول الشيخ لكن كتبه مليئة بالضلال. الكتب مليئة بماذا؟ مليئة بالضلال والانحراف. من تلك الضلالات في تلك الكتب فيها من الضلالات ما يأتي. وأسألكم بالله يقول بأن ترجعوا إلى تلك الكتب وتقرأوا بأنفسكم حتى تصدقوا ما أقول. يقول Il dit, hafidhahullah ta'ala, mais ces livres sont pleins d'égarements. Pleins de quoi? Pleins d'égarements et pleins de déviations. Fait partie de ces égarements dans ces livres, hein, ce que va nous citer Cheikh. Et il dit, par Allah, allez-y, regardez dans ces livres, vous allez voir la véracité de ce que je vous dis. Et t'as pas besoin d'y aller. Alors elle prend, elle, les livres qu'a fait l'allama Cheikh Rabé, il te cite les passages et comment il les refute. Et ça te suffit. اولا يقول الشيخ تكفير المسلمين بل قال في الظلال حتى الائمة الذين يؤمون المساجد والمؤذنون كل هؤلاء قد ارتدوا عن الدين اما الحكام فحدث ولا حرج فلا يستثني منهم احد. Premièrement, il dit, il a rendu mécréant tout dans le livre Dilal, Dilal, qui est plutôt Dalal, il a rendu mécréant tous les musulmans. Il a même rendu les musulmans, le pauvre Mouden qui fit la danse sur les minarets des mosquées de l'islam, il l'a rendu mécréant. Il n'a pas laissé tranquille, même Adamski. Pauvre Mouden. Yates sinidin d'être adoré qu'Allah, venez vers la prière, venez vers la réussite, etc. qui fait, hein? Il a rendu mécréant l'âme. En ce qui concerne les gouverneurs, parle sans gêne. Aucun gouverneur n'a été épargné. Et aucune société n'a été épargnée. Taniyan yaqulu bi wahdat al-wujud. Si. Le propage dans Dilan, notamment dans l'interprétation de Surat al-Ikhlas, yaqulu wallahu ahad. Hein? La croyance du fait que l'unicité de l'existence. La créature, c'est Allah et Allah, c'est la créature. C'est de l'égarement. Thalitan, yanalu min al-anbiya. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Troisièmement, il critique, il dénigre les prophètes alayhi salatu wa salam. Rabi'an, yanalu min al-sahaba. Quatrièmement, il critique, il dénigre les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Et vous avez, et Cheikh, il dit, sami'tum al-amtila fi an-nail min as-sahaba. Vous avez entendu les exemples qu'a cité Cheikh dans les critiques des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Khamisan, yunkiru sifat al-bari azza wa jal. Cinquièmement, il ne reconnaît pas les attributs d'Allah azza wa jal. Sadisan, yunkiru sunna an-nabawiyya wa la yatakallamu illa bil-Qur'an, baynama yadhkuru al-qasas at-tarikhiyya shawahid ala ma ya'taqid. سبحان الله. فهذه النقاط الست وغيرها ناهيك عن تحريف القرآن وتفسيره بالهوى وبحسب ما يريد شكلت خطرا على الأمة منذ 50 عاما وخاصة على شباب الأمة. Sixièmement, il ne reconnaît pas la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Il ne revient pas vers la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام pour chercher des preuves. Il ne parle qu'avec le Coran. Alors qu'il cite des événements historiques comme preuve pour ce qu'il croit. Il laisse la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et il va chercher des événements historiques comme preuve pour ce qu'il croit. Aidan billah. Cheikh nous dit, ces 6 points sont suffisantes. Et il dit encore, regarde sa falsification de l'interprétation du Coran. Et le dépouillement du sens, du vrai sens du Coran. Et comme il l'explique avec ses passions. Et quand il l'explique comme il veut. Et il a dit ces idées-là. Et ce qui continue dans ces livres a été un danger pour la communauté depuis 50 ans. Et surtout pour les jeunes de la communauté, pour la jeunesse de la communauté de l'islam. Il dit Cheikh Abdallah Ta'ala, Cheikh Suhaim, wa kuntu wa kathirun min al-ghayurin ala sunnati ma'a taqsir wa du'fi, yuhaddiru min qira'ati hadhihi al-kutub, wa ma fiha min khatar, wa sahibaytaiha al-tamthiliyat. والأناشد التي تسمى بالأناشد الإسلامية والتي أكثرها تكفير وحكم بالخروج ودعوة إلى الخروج على أئمة الإسلام وتهيج للشباب. Il dit j'étais moi malgré le peu de science qu'il dit. Regardez la leçon qu'il nous donne encore. Malgré le peu de science que j'ai et qui docteur Cheikh Suhaimi حفظه الله تعالى. Il a pris sa retraite déjà de l'université de Médine l'année dernière, et il est toujours enseignant à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il dit? Malgré le peu de science que j'ai, malgré ma faiblesse, hein, j'avertissais contre ces livres et contre la lecture dans ces livres et contre le danger qu'ils représentent, ainsi que ces deux copines qui sont quoi? Des pièces de théâtre soi-disant islamiques. Quel islam il y a dedans? Que du mensonge, hein? Ah, l'acteur, il se drogue à longueur de journée. Ou là, il se saoule à longueur de journée. Il est dans l'adultère à loin. Il prie même pas. Et il dit qu'il tient le rôle de Omar ibn Khattab. Subhanallah. Allah Moustahan. Et entre deux pauses où là, il apparaît pas au devant de la scène, au devant du rideau, donc derrière, peut-être qu'il a, Hein, on lui sert de quoi se chauffer pour arriver à ne pas à parler, à bien s'exprimer. Aïdan billah. Regardez quel est le théâtre musulman. D'où la stupidité de ceux qu'ils appellent « il nous faut une alternative ». Hein? Ils écrivent « il nous faut une alternative ». Il faut un cinéma musulman, une mode musulmane, des chansons musulmanes. Qu'est-ce que tu racontes? Où tu veux nous emmener? Chaque chose que tu veux, tu lui me dis « ik, ik, ik ». Ça y est, tu vas la faire passer. Subhanallah. Il dit ici deux copines qui sont le théâtre et l'anachide, ce qu'on appelle l'anachide islamique. Et beaucoup de ces anachides, le texte, c'est un appel, au fait, c'est une excitation, et un appel à détester les savants, et un appel à détester les gouverneurs, et un appel à prendre les armes contre les gouverneurs. Beaucoup. Et on donne ce poison aux jeunes de la communauté. Galaxie, une alternative. Et on s'étonne après que le jeune, il devient des... de la chair à canon, ici et là-bas. أكثر الأناشيد الموجودة اليوم دعوة للخروج الصريح على الولاة وقد ظهرت بعض بوادر هذا قبل 25 سنة حينما استباح من استباح من التكفيريين المسجد الحرام الجهيمنيين هؤلاء. Et beaucoup de ces anachides qui se trouvent entre les mains maintenant, c'est un appel vers le fait de se révolter contre les gouverneurs. Clair, un appel clair de se révolter contre les gouverneurs. Et le fruit de ces anachides est apparu il y a 25 ans déjà, quand un groupe d'Al-Tkfiriyin s'est permis l'illicite dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, le groupe de Juhayman, il y a plus de 25 ans. Ils se sont permis ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit en plein lieu sacré, et en plein période sacrée. وكانوا بدأوا بهذا الفكر ثم وصلوا إلى مرحلة التكفير ثم انقسموا إلى خلايا عنقودية لا تعد ولا تحصى ثم انتشر هذا الفكر فانتقل عبر ثلاث مراحل. لا يبدأ هذا فقط لا يخرج شيء وبدأ في التفجير. لا لابد من المراحل: التنفير ثم التكفير ثم التدمير والتفجير. وهذا الذي وصلوا إليه الآن: تنفير ثم تكفير ثم تدمير وتفجير. تنفير من ماذا؟ ينفرون من العلماء، ينفرون من الحكام، يشحنون قلوب المسلمين العداوة على حكامهم وعلى علمائهم حتى يفعلوا بهم ما شاءوا. Ils ont commencé avec cette idée. Ils ont commencé avec l'idée, le fait de rendre les gens mécréants avec l'idée de l'Khawarij et avec ses chansons, avec ses anachides, etc. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la deuxième étape, qui est le fait de rendre mécréants les musulmans. Et après, ils se sont divisés en plusieurs groupes, en plusieurs cellules. Hein? Des cellules et des groupes. Tu peux même plus comptabiliser maintenant. Chaque fois, tu sais même plus. Hein? Mais la racine, leur pivot est le même. Leurs piliers sont les mêmes. Et t'as un nom, ceci. Hada, au nord du Maroc, ils disent Surat al-Mustaqim. Hada, ils disent l'Adala wal-Ihsan. Hada, tatati. Là-bas, à Londres, Sororia. Là-bas, Tajir al-Tkfir. Là-bas, Tkfir. Ça t'arrête pas. Ici, en Allemagne, Tala'i. Et tu n'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Des noms. Ça n'arrête pas. Et de ces grandes familles sortent plein de branches encore. Et des branches sortent plein de branches. Tu perds ton latin dedans, comme ils disent. Et on n'arrive pas comme ça, chers amis, on n'arrive pas comme ça à mettre des bombes et à faire des attentats. Là, il y a des étapes à passer. D'abord, le fait, première étape, c'est que les leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent le terrain. Comment ils le préparent? Les cours, dans le secret. Les khutab sur le manbar, où ils dénigrent, où ils parlent des défauts des gouverneurs. Où ils dénigrent les savants de la communauté. Où ils détournent les jeunes de la communauté, de leurs savants. Comme ça, ils font avec ce qu'ils veulent. Ils font de leur esprit ce qu'ils veulent. Donc ça commence, tunfir, détourner. Remplir le cœur des jeunes et de la communauté de haine contre les savants. Et contre eux, les gouverneurs. Et après, deuxième étape, rendre mécréants les gouverneurs et les gens et ceux qui tombent dans les péchés capitaux. Troisième étape, les attentats et l'explosif. Et c'est là l'étape à laquelle ils sont arrivés maintenant. Et c'est dans cette étape-là qu'ils se trouvent actuellement. وزعماءهم المندسون في الأبغال والجبال في بعض البلاد الإسلامية وبعضهم في أوروبا وأمريكا يهيجون أولئك الشباب الأغرار وأعطاهم مفاتيح الجنة وقالوا لهم ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تفعلوا وتفجروا وتقتلوا الناس هذا الذي وصلوا إليه الآن فنفذ هؤلاء الأغرار ما أمرهم به أسيادهم من الأشقياء والمنحرفين عن الجادة dans les montagnes, dans les déserts de certains pays musulmans, et certains qui sont cachés en Europe, aux États-Unis, excitent ces jeunes, ces pauvres jeunes qui n'ont pas d'humanité scientifique et qui n'ont pas de science, ils leur ont donné la promesse du paradis, la clé du paradis, comme c'est le paradis il leur appartient, ils l'ont eu comme héritage de leurs parents. Et il leur a dit, entre vous et le paradis, il n'y a que le fait que vous explosez, que vous assassinez, que vous vous tuez sur là ou là-bas. Et c'est à ça qu'ils sont arrivés maintenant. C'est l'étape à laquelle ils sont, dans laquelle ils sont maintenant. Hein? Et vous vous regardez, vous avez les médias, vous avez les journaux, vous entendez. Hein? Et par Allah, il n'y a que des jeunes. Quand tu vois, il n'y a que des jeunes. Hein? Et des fois, des jeunes ne maîtrisent même pas l'arabe. Et comment il a appris sa religion, Hada? C'est ce qui est. Et maintenant, la grande catastrophe, c'est qu'on entraîne les sœurs aussi. Subhanallah. Même les femmes, on les entraîne maintenant. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, ces petits jeunes, ces petits insensés, ces jeunes qui n'ont pas une immunité scientifique, se font avoir par ces maîtres, par ces méchants maîtres, par ces monstres qui ont dévié de la voie droite. يضاف إلى ذلك ما قد يساندهم به غير المسلمين بطريق مباشر أو غير مباشر من المنظمات الصهيونية والماسونية وغيرها من منظمات الكفر والإلحاد التي تدعمهم من طرف خفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. S'ajoute à ça aussi les aides qu'ils peuvent recevoir de certains non-musulmans par une voie directe ou indirecte. Parmi le sionisme international et la franc-maçonnerie et autres, parmi les organisations de la mécréance et du latisme, qui les aident d'une façon ou d'une autre, qu'ils le sentent ou là qu'ils ne le sentent pas, directement ou indirectement, ils sont manipulés. يضاف إلى هذا تغذيتهم الآن تغديهم الآن بعض الأبواق من الفضائيات الحاقدة التي ربما تمول من أعداء المسلمين وكأنه لا عدو لهم على وجه الأرض إلا بلاد الحرمين التي تقيم شرع الله فتنعق تلك الفضائيات وعلى رأسها ما يسمى بالخسيرة ولا بالخسيرة التي فيها من أذناب أعداء الله الذين جاءوا بعضهم من بلاد الكفر ويستضيفون من الأشقياء ومن الرعاع الحاقدين ومن الجهلة ومن المنحرفين عن الجادة وممن زين لهم الشيطان أعمالهم يستضيفونهم فيبتون أفكارهم فيتلقى أولئك الرعاع الذين لم يتربوا في حلق العلماء الربانيين ولم يتربوا على علماء أهل السنة والجماعة بل تربوا في أحضان التكفيريين والمنحلين مكنوا لأعداء الإسلام في كثير من بلاد المسلمين بأفعالهم وها هم اليوم يفعلون ما يفعلون في أقدس بقاع الأرض. Se rajoute à ça cette alimentation qu'on fait certaines chaînes de télévision qui est remplie de jalousie et de haine contre eux, le seul pays sur terre, l'un des seuls pays sur terre qui accomplit la législation d'Allah Azza wa Jal. Certes, comme il a dit Cheikh hier, hein, c'est pas complet. Ils sont pas parfaits. Mais du moins, sur terre, hein, il y a que ce pays, le pays d'Al-Haramain, qui accomplit la loi d'Allah Azza wa Jal. Hein. Et ses ennemis de ce pays de l'islam et des musulmans, hein, peut-être que ces chaînes sont financées par les ennemis d'Allah Azza wa Jal et de l'islam, comme s'il n'y a pas un ennemi sur terre que l'Arabie Saoudite pour cela. Et à la tête de ces chaînes, tu as le Khassira, Jazira, Khassira plutôt, la perdante, comme l'appelle Cheikh Suhaimi Habibullah. Et dans cette Khassira, dans cette perdante, se trouvent les disciples des ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui sont venus de certains pays de mécréance pour être les speakers et responsables de certains programmes. Et ils invitent les monstres de cette communauté, parmi les ignorants et parmi ceux qui portent la haine contre eux, et ceux qui sont déviés de la voie droite, qui portent la haine contre les pays de l'islam, contre les gouverneurs des pays de l'islam. Hein? Et Shaitan leur a embelli leurs actes. Ils invitent ceux-là. Il leur donne l'espace où ils parlent de cet espace-là. Ils injectent leur venin. Ils injectent leur venin dans la jeunesse de l'islam. Et ceux qu'il invite, qui injectent ce venin, ces leaders n'ont pas été éduqués dans les cercles des savants qui éduquent la communauté avec le biyaba de la science, en commençant avec la communauté avec le biyaba de la science. Ils n'ont pas été éduqués dans les cercles des hommes de science, mais plutôt ils ont été éduqués dans les girons d'Yel Tkfiriyin et d'Yel Lidivye, ceux qui ont dévié de la voie. Hein? Ces Tkfiriyin, par leurs actes, ils ont ouvert la porte pour certains pays de l'islam et, ces ennemis de l'islam ont mis la main sur certains pays. L'Afghanistan est parti, l'Irak est parti, et peut-être autre chose va partir encore. Et Hadou, qui injectent leur venin à travers ses antennes, aussi ont permis aussi à ces jeunes de se permettre ce qu'ils sont, ont poussé ces jeunes à se permettre ce qu'ils se sont permis dans le haram d'Allah et dans le pays des haramains. يقول الشيخ هادي لمحة تاريخية علما بأن خوارج هذا العصر ضموا إلى مذهبه من خارج تقية الرافضة فاستحلوا الكذب والخوارج القدامى لا يكذبون أما هؤلاء يطبقون نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. إذن إذا كنت تريد أن تفعل أمرا حسب نظريتهم هؤلاء ترى من وجهة نظرك أن هذا الأمر مشروع يجوز لك أن تصل إليه ولو بطريق غير مشروع. نظرية كافرة، نظرية إلحادية، فاحذروا. فأخذوا يطبقونها كما دعا إليها صاحب جلسة على الرصيف أو في مزرعة أو كذا، في قصيدة الله، جلسة على الرصيف أو في مزرعة كذا. من أولئك الذين يهيجون ذلك الفكر وما زالوا حتى قبل يومين ينعقون في قناة الخسيرة يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بكلام سيء جدا لا يقوله من كان عنده أدنى مسكة من عقل. فعلينا أيها الإخوة وقد وجدت هذه الفتن أن نتتبع الخطوات الآتية. Cheikh de nous dire, ça c'est un aperçu historique, en sachant que le Khawarij de notre époque ont rajouté à leur voix égarée le mensonge, et qu'ils mettent en application la théorie de Machiavelli, qui dit que la fin justifie les moyens. Ce qui veut dire, si tu veux faire quelque chose, dis cher, si tu veux faire quelque chose, de ton point de vue, cette chose, elle est bonne. Hein? Tu peux utiliser même quelque chose, un moyen qui n'est pas légiféré pour arriver à ton moyen. Une théorie de mécréance et d'athisme. Hein? une théorie qui est en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Et cette théorie, Tkfirion du monde moderne, l'applique maintenant. L'a mis en application. Comme il a appelé vers cette théorie, celui qui a fait le titre sur une antenne de télé, le titre de sa poésie, Jalsa ala rasif ou Jalsa, une assise sur le trottoir, ou là une assise dans une ferme, ou un nom pareil. Un de parmi ceux qui excitent et qui nourrissent cette pensée, et encore jusqu'il y a deux jours, ceci s'est passé il y a un an déjà, il n'arrête pas de crier sur la chaîne d'El Khassira. Il parle de ce qu'il ne sait pas. Il parle d'une mauvaise, il dit des mauvaises choses. Il dit des choses que quelqu'un qui a un petit gramme de raison, il ne dira pas. Et cher de nous dire, puisque la situation est arrivée ainsi, les perturbations sont comme des déluges maintenant, il est obligatoire pour nous de suivre ces pas-là. فيقول الشيخ حفظه الله الخطوة الأولى العلم والتعلم والفقه في دين الله لأن العلم يفرق به أخي عبد الله بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال وربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلم يفرق به المسلم بين الأشياء première étape, le premier pas à suivre, la science, demander la science, apprendre la science, comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Car avec la science, on fait la part des choses serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Avec la science, on sait faire la différence entre l'unicité et l'associationnisme. On sait faire la différence entre le vrai et le faux. On sait faire la différence entre la sunna et l'innovation. On sait faire la différence entre la guidée et l'égarement. Et notre Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans cette traduction approximative du sens du verset, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr, ils ne sont pas égaux. Il n'y a aucun doute qu'ils ne sont pas égaux. La science, l'ishir, permet aux musulmans de faire la part des choses et de séparer le mal du bien. Tania al-khutwatu tania, wahada amrun muhim, al-akhdu ani al-ulama al-rabbaniyin. الذين يتبعون منهج أهل السنة والجماعة ولو سمعت من يشوههم من الأقزام وكتاب الصحف وأصحاب الفضائيات وقليل البضاعة في العلم وضعاف الإيمان فإن الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولا شك أن المستنبطين هم أهل العلم وهم الراسخون في العلم وليس الأقزام وليس الأدباء وليس كتاب الصحف ويقول عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ويقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فلازم يا عبد الله العلماء ثانيا le deuxième point sur lequel il attire notre attention, c'est un point très important pour qu'il reste en face de nous. Pour être clair dans notre religion, pour ne pas se faire avoir par n'importe quel beau parleur, c'est de prendre notre science, c'est les savants éducateurs qui éduquent Rabbanin, qui éduquent, comme il a dit Ibn Abbas, qui éduquent les gens avec le biaba, en commençant avec le biaba, avec les petites choses pour les ramener à la compréhension des grandes choses. Et non pas ceux qui veulent des gens qu'ils cueillent le fruit avant de planter. Il faut suivre ces savants-là et prendre de ces savants-là, les savants de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Même si tu entends les minus de notre époque parmi les écrivains et les journalistes les dénigrer. Et même si tu entends les speakers de certaines chaînes, les dénigrer, c'est eux les savants. Un journaliste, c'est pas un savant de la religion. Un littéraire et un écrivain, c'est pas un savant de la religion. Et même si tu entends ceux qui ont peu de bagages au niveau de la science du livre d'Allah, Azzawajal, les dénigrer, et ceux qui ont de la faiblesse dans leur foi, les dénigrer, il faut que tu prennes des grands savants de la communauté. Allah Azzawajal nous dit, dans ce sens approximatif du sens de ce verset, quand il leur arrive une situation de la sécurité ou de la peur, ils le propagent avant de savoir s'il faut le s'il y a un intérêt dedans ou il n'y a pas d'intérêt dedans. Mais s'ils le ramenaient vers les hommes de science, ceux qui savent en extraire ce qu'il faut extraire, il est évident, c'est pas un journaliste qui va extraire, hein, la législation de Allah Azza wa Jal, ou la claquer l'événement qu'il faut sur, hein, la législation de Allah Azza wa Jal, sur l'événement. Il va, c'est pas lui qui va le savoir. C'est pas non plus un littéraire. Là, loin de là, ce sont les hommes de science. Donc s'ils ramènent, hein, leur situation, que ce soit une situation qui les réjouit, ou là une situation qui leur fait peur, qui les oppresse, ils la ramènent vers les hommes de science, qui eux, ils vont leur donner la situation. Eux vont savoir où il est l'intérêt, et ce qu'il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre, et il a dit, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Et Cheikh Nasr, il fait un détail sur ce verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens en deux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il a fait obligatoire à ceux qui savent, à ceux qui ne savent pas, de demander à ceux qui savent aux savants. Et il a fait obligatoire à ceux qui savent de répondre à ceux qui ne savent pas. C'est un bienfait minallah. Chacun lui a donné ce qu'il veut. Chacun, subhanallah, il lui a donné son... Nous devons accepter le destin et la position que nous a donné Allah, azza wa jal. Mais nous devons aussi reconnaître notre place. Quand il faut revenir vers les savants, il faut revenir vers les savants. ويقول عليه الصلاة والسلام لا سيونس ne vient qu'avec l'apprentissage, hein, la science ne vient qu'avec la, il va pas venir du vide, il faut que tu apprennes, mais apprendre c'est pas lire les journaux, hein, ce n'est pas dans les quotidiens, ce n'est pas dans les hebdomadaires ni dans les mensuels que tu vas apprendre, ni devant la CNN ou la autre. Là, l'apprentissage il vient des livres de type Zahir d'Allah alayhim. Et en écoutant les cours de Tipu Zahir d'Allah alayhim, des savants qui sont sur la voie de Tipu Zahir d'Allah alayhim. C'est de là que ça te vient. Hein? Ni la radio, ni la télé. À moins que ce soit la radio du Coran. Hein? Quel, tu as des fatawas de certains machayikh, et tu as des cours de certains grands savants de la communauté. Mais en général, sur les médias, tu n'apprends rien de ta religion. Plus tu deviens religieux, personne, ils sont ébahis par ça. Et leur vie, elle est occupée par quoi? Par la politique. Et la politique, elle change de visage chaque moment. Il n'y a pas une stabilité dans les événements. Hein? Alors que dans la législation d'Allah, Azzawajal, dans la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, il y a la quiétude, il y a la stabilité, etc. Hein? Et en plus, tu t'assois, tu apprends, ou là tu apprends, etc. Hein? Tu as la récompense min Allah Azza wa Jal. Tu as la récompense min Allah Azza wa Jal. Hein? Et beaucoup de récompenses. Ce qui va t'attendre dans le delà, tu ne sais même pas. Hein? Tu sais même pas ce qui t'attend là-bas. Tu peux pas imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve en agissant, en prenant cette voie-là. Et tu imagines être à cette époque-là, au 15e siècle, au 22e pour les autres, la fin du 21e ou là, je sais pas. Hein? Et que tu apprends et tu portes un héritage des messagers alayhi salatu wassalam. Avec ton apprentissage, tu as une part de l'héritage de Adam alayhi salatu wassalam, de Nuh, de Idris, de Shu'aib, de Isa, de Muhammad alayhi salatu wassalam. Tous les messagers alayhi salatu wassalam. N'imagine pas l'héritage que tu as. Tu n'imagines pas. C'était ce grand héritage. Et qui a dit que ça c'est l'héritage? Muhammad alayhi salatu wassalam, qui ne parle pas de ses propres passions. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi qu'à chaque époque portera cette science les dînes de cette communauté. Qu'est-ce qu'ils font ces dînes? Ces hommes dînes de cette science, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'il faut, ils le mettent de côté. Tout ce qui s'immisce, ils le mettent de côté. Les interprétations fausses qu'on ramène les faussaires, ils la mettent de côté. Les égarements, ils le montrent à la communauté, etc. Et à toute époque, il y aura toujours dans cette communauté, hein, des hommes qui purifient cette science d'Allah Azza wa Jal. Un des grands exemples avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté. Hein? Cheikh Nasser rahmatullah alayh. Nasser Din Albani. C'est un des signes d'Allah Azza wa Jal. Allah, il sort un homme d'Europe, de l'Est, qui allait être mangé par le communiste. Et son père se sauve avec lui pour l'amener au nord de l'Arabie, pour qu'après, il corrige les Arabes dans leur façon de parler. Et pour qu'il authentifie la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et pour qu'il remette à jour certaines sunnas qui étaient enterrées par la poussière. Un seul exemple. Si Cheikh Nasser n'a fait que ce livre-là, regarde à travers la terre combien de gens maintenant mettent en application la prière du prophète alayhi salatu wasalam. S'il n'a fait que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un grand bien. Combien maintenant tu vois des gens, tu rentres dans la mosquée, et l'homme, tu dis salam alaykoum, et la personne âgée, il lève la main pour te rendre dans la... Combien pour se relever de sujoud, il lève les mains aussi avec takbir, et plein de sunnah ainsi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien de cette communauté, il la comble avec le bien. Hein? Regardez. Il faut lire, il faut voir. Il faut voir rien. Tu prends par exemple certains ont écrit sur les sunnas qu'a fait vivre Mohamed Nasser Dil Albani. Prends tout simplement l'introduction avec laquelle font l'introduction que mettent devant leur discours les savants maintenant. Qui l'a sorti de la poussière? Il y a 30 ans, les imams, ils montent sur le mur, ils ne la connaissaient pas. Cheikh Nasser l'a dit poussière. Enlève la poussière de tout ça, du manuscrit qu'il y avait dans le daïra. Il a remis à jour. Et maintenant, tous, ceux qui sont sur la voie et ceux qui ne sont pas sur la voie, ils la mettent en application. Hein? Et tu es les hasanat. Et Cheikh Nasser, c'est pas tout simplement un muhaddith. Andak, tu fais pas avoir. Parce que si tu dis, oh, Cheikh Nasser, c'est juste un muhaddith. Allah, qu'est-ce que tu dis? Il voit sifat salat nabi. Du domaine du hadith ou du fiqh. Et d'abord, le faqih, hada, le jurisconsulte, d'où il va tenir, d'où il tient sa source, si ce n'est le hadith du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et tout muhaddith est un faqih. Et pas tout faqih, muhaddith. D'accord. On va se faire avoir. Et certains, ils viennent juger des ambiguïtés. Là, Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, ce n'est qu'un muhaddith. A'oudhu billah, de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu vas faire du livre de la description de la prière du prophète, alayhi sallallahu alayhi? Qu'est-ce que tu vas te faire du livre qu'il a fait, hein, sur de ne pas l'interdiction de prier sur les tombes, la prière d'Al Tarawih, hein, etc. Irwa Al Ghalil, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Où est-ce que tu vas les classer? Le Mas'a Al Jawrabain, les authentifications qu'il en a fait, et ainsi de suite. Comment tu vas faire, hein? Ça c'est Risala sur Qiyam Al-Layl, Qiyam Ramadan, etc. Qu'est-ce que tu vas en faire? Sur l'i'tikaf, et ainsi de suite, tu vas. Sur le mariage. Hein? Comment, où est-ce qu'on va les classer? D'où? Il faut pas se faire avoir par cela. Hadou, ils ont rien compris. Là, had al-faqih. Hafidhahullah. Wa rahimallah. Al-fuqaha al-muslimin. Là, il a besoin du travail du muhaddith. Et nous, puis, elle disait, rahmatullahi alayhim, tout muhaddithi faqih, pas tout faqih muhaddith. Pas se faire avoir par les ambiguïtés qu'on nous jette par-ci et par-là. ويقول الشيخ حفظه الله يقول حفظه الله تعالى يقول عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما دام علماؤهم أكابرهم إذا تولى أمرهم أصاغرهم وشرارهم فقد هلكوا ومن علامات العلماء أنهم يعلنون أمورهم ليس عندهم شيء خفي يفعلونه من وراء الكواليس مثل تجمعات أولئك الخوارج في الخلوات والفلوات ما عندهم شيء يخفونه أمورهم معلنة ما فيه شيء في الكهوف ولا في الجبال ولا في طرابورة ولا في أي مكان. الشيخ دو ندير Abdullah ibn Mas'ud disait, a dit, les gens seront toujours dans le bien tant que leurs savants c'est les grands. On va pas c'est les minus, les petits. Parce que, comme on l'a vu hier avec les exemples qu'il nous a cités, Cheikh Abdel Mohsin Labbad et les commentaires de Cheikh Souhaimi, que la jeunesse, elle est sujet à la mauvaise compréhension. Mais dans cet akabiruhum, les grands parmi eux, il y a deux choses à retenir dedans, c'est les gens de science dans cette parole de Ibn Abbas. Ils rentrent dedans les innovateurs et ceux qui sont jeunes. Les deux rentrent dedans. Hein. Et donc, quand ces jeunes sont à leur tête, et quand leurs mauvais sont à leur tête, qu'est-ce qui leur arrive? Ils périssent. Ils périssent. Hein? ومن علامات العلماء أنهم يعلنون أمورهم ليس عندهم شيء خفي. Et fait partie des signes des hommes de science, c'est que ils déclarent tout. Tout est clair. Ils font rien en secret. Ils font rien derrière le rideau. Ils sont devant le rideau. Ils sont pas dans les coulisses. Tout se passe à rideau ouvert. Rien ne se passe dans les coulisses. Tout se passe à visage découvert et devant tout le monde et en plein jour. Ils n'ont pas comme ces khawarij de ce monde moderne qui se terrent dans les cavernes, qui se terrent dans les déserts, qui se terrent dans les forêts. Nous savons, n'ont rien à cacher. Leur situation et leurs sujets sont clairs. Ils sont montrés en plein jour. Il n'y a pas de caverne, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de Tourabura, ni autre endroit. Clair et net. Hein? Leurs livres sont là, leurs cours sont dans les mosquées, leurs cours sont dans les endroits ouverts à tout le monde, etc. Et ils font pas des sélections. Viens toi. Toi tu mérites de monter en grade, viens. Tu vas avoir un enseignement particulier. Viens toi. Tu as terminé de cet enseignement secret, on t'emmène à un degré plus élevé, etc. Ils ont pas tout ça. Tout le monde est à même niveau. Hein? Ce qui se dit au grand se dit au petit en plein jour et pour tout le monde. Il n'y a rien à cacher. نعم كل شيء واضح عند علماء الأمة الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون فلازمهم يا عبد الله ولا تفتح أذنك للأوغاد وللزعماء. Certes, tout est clair, c'est les hommes de science de la communauté, ceux qui éduquent la communauté avec le biyaba. C'est sûr. Les dawa des hommes de science, il est difficile, parce qu'ils commencent avec toi, avec le biyaba. Et dans notre monde moderne maintenant, on veut tout à la, tout très vite. C'est sûr que c'est difficile. Et donc c'est facile d'écouter ceux qui les dénigrent. Ouais, mais t'as vu. Il faut que tu restes auprès de ces savants et que tu prennes et que tu sois lié. Surtout, les moyens de communication sont faciles. Tu as les moyens pour que tu rentres en contact avec eux. Il faut que tu restes auprès d'eux. Et que chaque fois que tu as un problème, n'hésite pas d'avoir ce hic. Hein? Le hic du téléphone. De prendre ton téléphone et toi de ce côté-là d'Europe, tu parles, tu poses ta question. De l'autre côté, que ce soit le Yémen ou là que ce soit l'Arabie Saoudite, ou là, les savants du Hadith, ou l'Inde, ou là ailleurs, ils te donnent la solution à ton problème. Ils te donnent le verdict addictoire à ta situation. Hein? Donc, serviteur d'Allah Azza wa Jal, crampons-toi aux savants. Hein? Fais que ta liaison soit constante avec les savants. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم عن العامة فاعلم انهم مفتتح ضلاله اي انهم على تاسيس ضلاله يعني ما اجتمعوا الا على تاسيس ضلاله فتنبه يا عبد الله تنبه الى هؤلاء السفهاء وخطورتهم وارجع الى علماء الامه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدي كونت لي جون سو ريونيس اون سكري اي كومونس ا سبارلي 3 2 ا سو ميتر اون سكري ا سبارلي dans leur religion, en dehors des communs, en dehors des gens, en dehors des musulmans, ils se font des particularités en secret. Sache qu'ils sont en train d'ouvrir une porte de l'égarement. Sache qu'ils sont en train de faire les fondations d'un égarement. et qu'ils ne se sont réunis dans ce secret-là que pour la fondation d'un égarement. Fais très attention à ça, serviteur d'Allah Azza wa Jal. Fais très attention à ces insensés. Et fais très attention à leur danger. Il revient vers les savants de la communauté. Rabi'an yaqulu shaykh, حفظ الأولاد والبنين احفظ أولادك أن يذهبوا يمينا أو شمالا ليسلموا من أهل الإفراط وأهل التفريط احفظهم حتى يبتعدوا عن الملاحدة والعلمانيين والفسقة المنحلين الذين يصطادون في الماء العكر وأيضا حتى يسلموا من الخوارج ومن سار في فلكهم من الضالين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتبه يا عبد الله على أن يفسدوا أولادك ويخربوا أفكارهم. فانتبه يا عبد الله احذر من مناهج هؤلاء الضلال. Préservez les enfants, préservez notre descendance, qui ne vont ni à droite ni à gauche, et éloignez les athées, les laïcs, et éloignez des gens des deux extrêmes, les laxistes et ceux qui vont à l'extrême dans leur religion, les laxistes dans leur religion et ceux qui vont à l'extrême. Éloignez de tout ça pour les préserver. Éloignez des pervers, éloignez des égarés, éloignez des tkfirioun, simarikoun. Tout à l'heure, j'ai dit que le mariq, minaddin, que yamruquna minaddin kama yamruqu sahmu minarramiyya. Et j'ai dit, pour la traduction, que yakhrujuna kama yakhruju sahm mina. Kata ma tkhruj hadi, smita. Sahm mina. Hadi. Dis, c'est, il y a un frère qui a attiré mon attention, c'est que, il sort de la religion comme sort la flèche du gibier, en traversant le gibier. Quand il atteint le gibier, il sort de l'autre côté. Hein? Il sort de l'autre côté. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des savants qui disent, par cela, soit ils sortent de l'obéissance, hein, ils sortent de l'obéissance de la voix, soit ils sortent carrément de la religion. Et là, il y a parmi une plusieurs d'Allah Alim qui les rendent des mécréants, comme le Qurtubi, rahmatullah alayh, et parmi les contemporains qui les rendent mécréants, comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. C'est juste pour, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, je pense le frère qui a attiré mon attention là-dessus, de revenir à ça, qu'ils sortent, ce n'est pas de l'arc, mais ils sortent, ils traversent, là, le gibier, et ils sortent de l'autre côté. Hein. C'est ce que veut dire Ar-Ramiyya. Et donc, chéri, il attire notre attention pour préserver nos enfants, qu'on les préserve de ces gens, de ces tkfirioun, et qu'on les préserve de toute forme de gens qui sont dans l'égarement, et de toute forme d'égarement. Et il nous cite le hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui dit, vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de votre troupeau. Hein? Et il nous cite aussi un verset du Coran qui dit, ou vous qui avez cru, évitez à vous-même, ainsi qu'à votre descendance et à vos familles, le feu, dont le combustible, ce sont les gens et la pierre. Ce combustible qui est gardé par des anges, très forts, et qui ne désobéissent pas Allah Azza wa Jal. Et qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met, ils mettent en application, ils se soumettent aux ordres d'Allah Azza wa Jal, ils obéissent aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ils font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Ils cherchent de nous dire, fais très attention aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils ne rendent pas tes enfants mauvais et qu'ils ne détruisent pas les pensées de tes enfants. Fais très attention. Fais très attention à leur voie de l'égarement. خامساً إشغال الوقت بما ينفع بالعلم والتعلم والفقه في دين الله وإشغال الأولاد في دروسهم. Le cinquième conseil qui nous donne cher, c'est de s'occuper, d'occuper notre temps avec quelque chose qui va nous revenir bénéfique. Dans la science, dans l'apprentissage, dans la compréhension de notre religion, et d'occuper nos enfants dans leurs cours et dans les cours, et leur donner un enseignement, hein, et s'occuper de l'éducation de nos enfants. Sadisan al-bu'du bihim an julasa'is su' fa innahum yajurruna man hawlahum والله يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. C'est pour nous-mêmes. Évite à toi et à tes enfants la mauvaise compagnie, le mauvais compagnon. Hein? Car le sahib, le compagnon, il tire. Il a l'effet de l'aimant. Il te tire. Tu sais, tu as une affinité, tu as un penchant dans ton cœur et des sentiments pour lui, il te tire vers là où il est. Il faut faire très attention. Et il ne cite un verset du Coran dans le sens dit ceci. Dit, et le jour où l'injuste va se mordre la main, il va dire, malheur à moi si j'avais pris un chemin avec le prophète alayhi salam. Malheur à moi d'avoir pris tel comme ami intime. Il m'a égaré après zikr. C'est-à-dire après que la révélation lui est arrivée. Après que Zikr lui est arrivé, il l'a égaré. Qui? L'ami intime. Il l'a tiré vers son chemin. Et il a dit que Shaitan, hein, il entraîne. Il prend. Hein, il emmène l'homme sur ses passions. Et il nous cite aussi un autre verset du Coran dont la traduction du sens est ceci. Quand tu vois ceux qui litigent sur les versets d'Allah, tu vois ceux qui litigent sur le verset, ils tournent le doigt d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent sur autre chose. Et si Shaitan te fait oublier et que tu restes assis, quand tu te rappelles, ne reste plus avec eux. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله المرء مع من أحب. ويقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيد فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إيه le prophète عليه الصلاة والسلام dit que l'être humain il est sur la religion de son intime. Hein? C'est pour ça que certains de nos plusieurs on leur dit tel est un homme de la sunna et il défend de la sunna. Il dit qu'il est son intime. Ils disent tel, et c'est tel, son intime. Il est un innovateur, il est dans l'innovation. Et lui dit, il est comme lui. Ah, mettez-le dans le même sac que lui. D'où il la tient? Cette parole du prophète, alayhi salatu wasalam. L'être humain est sur la religion de son ami intime. Et l'être humain, dans un autre hadith, l'être humain sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes les gens de la sunna, et les gens, et les imams de la sunna, et les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, cet amour va te prévaloir le fait d'être avec eux. Mais si tu aimes les égareurs, tu les défends et tu prends comme hein, véridique leurs paroles, etc., qu'est-ce qui va t'arriver? L'être humain est avec ceux qu'il aime. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Il dit le bon compagnon et le mauvais compagnon. Il dit le bon compagnon, c'est le vendeur de parfums. Et le mauvais compagnon, c'est le maréchal Ferrand. Hein? Avec le feu, il fabrique des fossiles, des haches, etc. Bah, chez le vendeur de parfums, même si tu achètes pas, tu vas être, hein, passer un bon moment au niveau de ton odorat. Tu ne vas sentir que quand il ouvre, il vend du musc à quelqu'un, tu sentiras le musc. Quand il vend, non, chaque fois qu'il ouvre un parfum, ah, tu n'auras que des belles odeurs. Hein? Et des fois même, peut-être si tu lui achètes pas, il va te badigeonner la main et te passer un petit coup de parfum sur ta main. Donc tu vas partir et tu vas rentrer chez toi avec une bonne odeur. Quand au maréchal Ferrand, tu passes l'après-midi avec lui, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand il jette le fer dans l'eau, une fois qu'il le sort, c'est une odeur nauséabonde. Très mauvaise odeur. Et ça imprègne les vêtements. Et quand il, avec son soufflet, quand il souffle sur le feu, il y a des étincelles, peut-être que tes vêtements vont être troués, tu vas partir avec une mauvaise odeur, et peut-être tes vêtements vont y avoir des étincelles qui tombent dessus, et tu vas partir, tes vêtements, au lieu d'être un camé, ça va être un tamis, plein de trous. Hein? Et tu fais l'analogie aussi avec ça, quand tu es assis avec des fumeurs, comment tu vas rentrer? Et quelle odeur tu vas ramener à la maison? Alors, regardez ces exemples que nous donne le prophète, alayhi salam. Ah, le mauvais compagnon, il faut le fuir. Parce que n'importe comment, la situation est dangereuse. Ah. يقول الشيخ هادي بعض الخواطوات للسلامة والوقاية من هذا الداء ثم إنه أيها الإخوة يجب أن نتضامن وأن نتكاتف وأن نتحاب في الله وأن نكشف عن كل من تسول له نفسه مثل هذه الأعمال الشريرة. الشيخ dit, ça c'est certain pas pour se préserver. Il a cité que quelques pas. On peut être préservé si on prend ces pas-là. On sera préservé, bi-idhnillah azza wa jal. Hein? Pour se préserver de cette gangrène qui ronge la société. Hein? Il dit, frère en Allah, il est de notre devoir de s'unir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et de s'aider, et de s'aimer pour Allah azza wa jal. Et que tout un chacun qui a ces idées-là, qu'on le divulgue, qu'on avertisse contre lui. Hein? Et tout un chacun qui veut propager ce genre d'actes, ce genre d'assassinat, etc., dans l'esprit des gens, il faut avertir contre lui, il faut s'en éloigner.